Le sujet de la soirée, savoir quand c'est fini. On y va d'une définition en commençant, évidemment, ça aide tout le temps. Et puis, ce qu'on annonce, c'est que la fin, une fin, ça annonce toujours un début. Donc, dès que vous êtes exposé à une finalité dans votre vie, finalité dans un exemple, dans un rapport avec un déménagement, dans un rapport avec une relation de travail, avec votre travail, avec votre couple, avec une structure d'échange amical ou familial, vous êtes toujours placé dans une fin qui vous place aussi en même temps vers un début. Si vous n'avez pas un esprit trop tourné vers le passé, vous êtes capable de lire le début. Ben, c'est pas évident le début, il manque beaucoup de preuves, il manque beaucoup d'ingrédients pour l'annoncer. Des fois, c'est flagrant, là. Tu sais, genre, je vous donne un exemple, une personne déménage, elle s'en va dans une autre maison. C'est assez évident que la forme te reçoit, t'as une forme qui te reçoit pour une que tu laisses. Ça, c'est évident. Un travail aussi, on peut dire que dans certains cas, les gens font un arrêt de travail ou ils s'arrêtent de travailler, puis avec un certain recyclage de leurs compétences ou de leurs capacités, ils sont capables de se replacer ailleurs. Dans un autre secteur ou dans un secteur où la forme change au niveau administratif, mais où leurs ressources sont quand même appréciées, donc recyclées pour s'adapter à la nouvelle emploi. Mais il y a des fins qui ne sont pas évidentes dans le sens qu'ils n'annoncent pas un début facile. Tu sais, je pense, exemple, à des structures de vie affective où ça coupe avec une personne, soit par le biais d'un décès, soit par le biais d'une rupture, parce qu'il y a une sorte de dissonance dans le rapport psychologique. Où il y a simplement une fin d'expérience entre deux individus qui exige que, pour que les personnes puissent évoluer ou se développer, ils sont obligés de passer à d'autres rapports humains et conséquemment de repartir, donc refaire un début avec une autre personne. Plus la personne est tournée vers le passé, moins elle est capable de voir l'avenir, donc moins elle est capable de voir le début, moins elle est apte à se recycler. Conséquemment, elle vit dans sa mémoire. Et si elle vit dans sa mémoire, elle répète des comportements plutôt que d'ajuster un comportement. Il faut comprendre qu'une fin, ça a comme particularité de vous obliger à avoir un changement de vie. Il faut que, quand vous avez une fin, vous soyez capable de comprendre que c'est une obligation que les forces vous font vivre pour enclencher une nouvelle lecture de votre futur. Pour vous enclencher dans une compréhension de votre vie qui se doit d'être différente du passé. Vous pouvez recycler des ressources, mais vous ne pouvez plus regarder votre passé comme étant une perfection qui ne doit pas changer. Vous devez regarder votre passé comme quelque chose qui a eu sa fonction, mais qui, à cause de son approche vers une fin, exige d'être lu avec un mouvement nouveau. Il doit s'ajouter quelque chose. Et conséquemment, ça veut dire que, exemple, vous prenez les chevaux. Longtemps, ça a été le véhicule du peuple, ça a été le véhicule de tout ce qu'on peut imaginer sur la planète dans les années 1700, 1500. Les chevaux étaient le seul moyen de voir un déplacement à longue portée. Et les ânes aussi. Mais c'était toujours un animal qui devait faire penser à l'individu que son avenir sur le déplacement, sur l'exploitation des découvertes de d'autres pays ou de d'autres territoires, c'était fait par le biais d'un animal, parce qu'il y a eu les ânes qui étaient les éléphants. Mais en général, ce qu'on nous autres, on a connu historiquement, c'est surtout les chevaux. Arrivent les bateaux, arrivent pas les bateaux, c'est quand même assez vieux, mais arrive le moteur, le principe du moteur, et puis conséquemment du véhicule. C'est que ce soit la locomotive ou que ce soit l'automobile ou quoi que ce soit qui était à moteur, à vapeur au début, puis à moteur à gaz après, à essence, bien, c'est évident que là, à ce moment-là, ça a été la fin de l'ère du cheval. Le cheval sert encore pour des compétitions olympiques, puis pour dans certains pays, évidemment, comme moyen de transport. Mais d'une façon générale, les gens ont eu un besoin de mettre fin à une perception d'une façon de se véhiculer pour changer vers quelque chose de différent. La seule chose qu'on a conservée, c'est les chevaux. On dit mon auto a 140 chevaux. On a gardé l'unité historique du cheval pour essayer d'identifier qu'est-ce qui était l'origine, finalement, du déplacement. Donc, ça, c'est facile à lire, à voir, c'est historiquement vérifiable. Une personne a eu, pendant une époque X, à regarder la fin de l'époque du développement à cheval pour voir que, bon exemple, les grosses locomotives pouvaient tirer plus, avaient plus de capacité de transport que les chevaux. Et là, est devenu le début de l'ère moderne. On a appelé l'ère moderne simplement parce que les moteurs et l'électricité ont fini par rentrer là-dedans. L'électricité, même chose, ça a remplacé la chandelle, ça a remplacé le feu. L'électricité chauffe, alors qu'avant, ça chauffait au charbon, ça chauffait à tout ça de choses. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que la fin, quand on dit, exemple, la fin du monde, la réalité, ce serait la fin d'un monde et l'avènement d'un nouveau. Qu'est-ce qui peut changer le monde? La psychologie des gens. Internet en Chine, c'est la fin du monde. Parce qu'Internet en Chine, ça met la Chine en contact avec tout l'extérieur au niveau de son développement économique, structure politique, structure culturelle, etc., etc. Ça a fait le même effet quand c'est rentré en Russie. La Russie, quand elle a eu en contact avec les structures économiques mondiales, ont été obligés de vivre une fin du monde. Ça a été l'éclatement de la Russie comme on l'a connu dans les années 50. Donc, conséquemment, toute fin implique un éclatement. Et tout début implique une consolidation. Recyclage, ça implique aussi une sorte de réorganisation pour développer une cohérence avec les éléments du passé qui sont encore cohérents. Il faut comprendre que le passé, c'est pas négatif dans sa totalité. Le passé et auquel on met fin, auquel les forces appliquent une finition, va quand même laisser des ingrédients qui sont assez recyclables pour redevenir cohérents dans un futur. C'est pour ça qu'on dit souvent, exemple, les chefs d'entreprise qui ont travaillé jusqu'à 60, 65, 70 ans dans des entreprises, même si les jeunes rentrent là-dedans, il y a encore beaucoup de façons de faire de ces gens-là, qui ont 65, 70 ans, qui sont encore bien, bien fonctionnels, qui peuvent assurer dans le début d'un nouveau type d'administration ou de gestion dans une entreprise, qui peuvent assurer une stabilité, parce que tout n'est pas à rejeter dans le passé. Il y a des choses à corriger, à modifier, mais ce n'est pas 100%. Fait que les jeunes ou que les éléments jeunes ou que les éléments qui débutent veulent éliminer complètement le passé, c'est une absurdité, là. Et souvent, bon, c'est sûr que il y a peut-être des éléments de forme qui sont à rejeter complètement. Tu sais, quand on rase un bâtiment complet parce qu'on veut juste garder le terrain puis même pas les fondations, bien, c'est sûr qu'on défait la forme. Mais ce qui se dégage ou le rayonnement ou les rayons telluriques de la place sont là puis vont rester là. Là, tu sais, on ne peut pas déplacer l'histoire qu'il y a dans la chose. Quand on visite les vieux pays comme en Europe, c'est flagrant qu'il y a eu de l'histoire. Fait que qu'on rase la forme au niveau bâtiment, qu'une guerre vienne raser quoi que ce soit, je suis certain que si on éliminerait, exemple, les pyramides d'Égypte, là, il y en a 5 là-bas, là, tu élimines tout ça, là, c'est rasé là, au sable. Il va quand même rester une vibration de toute la mémoire qu'il y a eu là-dedans. Et puis, dans ce sens-là, malgré le début qui va s'installer dans des nouvelles formes, mettons qu'on mettrait des gratte-ciels, il va rester quand même une atmosphère de tombeau, là, tu sais, parce que c'est des tombeaux, les choses, les pyramides. Donc, bien comprendre qu'une fin, c'est jamais final. Quand vous êtes mort, c'est pas final. C'est votre corps qui meurt, qui pourrit, que les vers se chargent. Mais votre esprit, votre âme surtout, est recyclée énormément. Votre esprit, lui, attend juste de se donner une nouvelle enveloppe pour repartir. Fait que, si vous êtes capable de le voir, vous allez voir que c'est simplement un changement, une fin, c'est une fin d'étape, c'est un changement d'étape. Dans la mesure qu'on est capable de le voir, bien, ça sous-tend qu'on est capable de regarder en avant. Mais si on ne le voit pas, ça, que la fin, c'est l'amorce d'un début, bien, c'est évident qu'à ce moment-là, c'est parce qu'on est pris dans la mémoire et puis qu'on garde de la mémoire un contrat qui n'est pas fini. Fait que là, ça m'amène à la deuxième aspect, c'est qu'une fin, ça se produit quand il y a une intégration. Vous avez suffisamment intégré, je dirais, la fonction de la forme, la fonction qui était capable d'habiter une forme, pour que ce soit terminal. Ça, c'est important. Pensez, exemple, à une auto, à du linge. Le linge que vous allez porter, il y a une fonction. Quand ça arrive au bout de la fonction, bien, c'est comme vous avez intégré ce que vous aviez à vivre là-dedans. Puis une fois que c'est intégré, c'est encore utile, mais ça vous est plus utile. Votre auto, ça peut faire 4 ans, puis un bon encore pour 10 ans. Mais au bout de 4 ans, ce que vous aviez à vivre dedans est terminal. Tu sais, vous avez atteint un point terminal. Moi, je regarde mon véhicule, puis je me dis, si l'essence monte à 2 piastres, c'est pas le genre d'auto qu'il me faut. Il va m'en falloir une plus économique que celle-là. Fait que je regarde les Smart, puis je me dis, c'est pas une auto pour moi, là. J'ai pas intégré tout ce que j'avais à vivre dans une grosse berline, avec le volant chauffant, puis les, tu sais, système de son Bose, le kit. Mais dans une situation de crise extrêmement aiguë, là, du genre 3 piastres le litre, whoop et là, c'est fini le grand confort, là, on va vivre différemment. Là. J'aime mieux avoir un cinéma maison à maison, puis un fauteuil qui fait des massages, puis ben des chats qui sont couchés sur moi, pour pouvoir vivre quelque chose d'autre. Parce que là, c'est comme être mobile, ça coûte trop cher. Là. Vous me suivez? Donc, il faut que j'arrive à une zone où vraiment, là, le phénomène de « c'est fini que je vive ça de telle façon » soit bien intégré. Parce que définitivement, il y a des gens qui, même à 3 piastres de litre, s'ils n'ont pas été capables de vivre une expérience, ils vont pouvoir s'acheter un Lincoln Continental Navigator qui roule à 16 litres au 100 et puis dire « ben écoute, moi, je ne me suis jamais payé de voyage dans la vie, je me paye ça pour un an. » Il va le revendre à quelqu'un qui va encore faire un trip de grosses patentes. T'sais, je regarde les gens qui ont des bateaux, ça lui coûte une fortune en essence, puis ils ne se privent pas pour en avoir. C'est sûr qu'ils ne l'utilisent pas 12 mois par année, mais ça reste quand même qu'ils n'ont pas la même lecture du coût de l'essence qu'un autre qui roule en auto. Fait que c'est toujours une question de lecture, puis c'est toujours une question que quand tu as fini le trip du bateau, c'est pas qu'est-ce que ça a coûté, c'est qu'est-ce que tu avais à vivre. Vous me suivez? Parce que on vient tout le temps des facteurs de « ça coûte tant, ça coûte tant ». Mais les affaires que vous avez vraiment à vivre, là, que vous avez vraiment à intégrer, ça coûtera le prix que ça veut, vous avez vraiment besoin de le vivre. Vous avez vraiment besoin de vivre une assise là-dedans. Et puis d'aller au terme de ce que vous ressentez qui est essentiel à votre épanouissement. Parce que intégrer quelque chose, ça vous a épanoui, ça vous a pas renfrogné. Perdez pas ça de vue. Une personne qui intègre, c'est une personne qui s'épanouit. Quand tu frustres puis tu chiales tout le temps, c'est parce que c'est pas intégré. C'est parce que c'est dur à intégrer. Fait que pas intégré égale frustration, intégré égale épanouissement. Donc, quand est-ce que c'est fini? C'est quand vous êtes épanoui dans la forme ou l'expérience que vous goûtez. OK? Il y en a qui, dans la vie, ils rêvent d'avoir un bébé de deuxième génération d'un bras. En d'autres termes, tu vas être grand-père, tu vas être grand-mère. Il y en a que c'est le trip, ça. C'est pas de mien, là. Mais ça, c'est le trip. Fait que tant que j'ai un contrat que je peux me créer, j'ai encore de la matière intégrée. Me suivez-vous un petit peu? Si j'ai de la matière intégrée, je suis encore en vie. Quand est-ce que tu commences à mourir? C'est quand tu as fini tous tes contrats. Quand tu as fini tous tes contrats, là, ça cogne à la porte de Saint-Pierre, là, tu sais. Vous me suivez? Mais c'est bien important de comprendre que l'intégration, c'est quelque chose où tu t'épanouis. Puis quand tu as de la misère à faire tes contrats, peut-être que tu t'es donné un contrat qui était basé sur une spiritualité ou une image de toi-même qui était surévaluée. Puis si tu chiales trop, tu t'épanouis pas dans tes contrats, dans tes projections, dans tes rêves, dans qu'est-ce que tu veux vivre dans la vie, c'est parce que tu fais ça trop gros et tu n'es pas capable d'intégrer. Moi, j'ai toujours dit à mes amis ou aux gens qui m'ont côtoyé, essaye de faire ça progressif. Si tu n'es pas capable de te marier, là, fais-toi des amis. Okay? Arrange-toi pour faire des bonnes relations amicales. Ça va te donner une chance de voir qu'est-ce que tu as à vivre dans ton intimité. Si tu n'es pas capable de te faire des amis, oublie ça, là, le couple. Là, tu ne seras jamais capable. Parce que le couple, ça exige un engagement, ça exige un contrat. Il n'y a pas de « je débarque », là. Dans un contrat, c'est pas parce que tu changes de femme, exemple, pour un gars 10 fois que tu étais en couple. Tu es en couple, Christ, quand tu as bâti quelque chose avec une personne, quand tu t'es bâti avec quelqu'un, ou que l'autre aussi s'est construit. C'est pas juste un qui se bâtit puis l'autre qui sèche, là. Il n'y a pas d'intégration du couple tant et aussi longtemps que le contrat n'est pas épanouissant pour les deux. Fait que ça, si tu es capable de le faire à deux intimes, fais-le à deux sociales, style des amis. Tu vas arriver à quelque chose. Comme le travail. Quand est-ce que tu as fini ton travail? T'sais, mon gars, il dit, tu t'aimerais-tu vendre des mags, des affaires à main? Bien, je t'écoute. C'est stimulant parce qu'un mag, c'est beau, mais ça ne m'électrifie pas. Parce que moi, ce que j'aime... C'était un mag dans le coco de la personne, là, tu sais, que incapable de se faire confiance, incapable d'avoir de l'autorité quand tu as fait quelque chose. Bon, c'est sûr que si les gens me mettent à la retraite, ben, je vais vendre des mags, mais je fais pas ça avec l'amour que toi t'as pour le faire. Parce que moi, j'ai connu quelque chose qui me permettait de m'épanouir plus que de vendre des mags. Tu sais, voir un beau set de mags, c'est un BMW que le gars me donne 3 000 $. M'a trippé juste pour le cash que je fais, parce que, tu sais, après le 10e set de mag, là, m'en avoir le bol, là. Fait que mon feu, moi, je ne vais pas le chercher dans une excitation de la consommation. Je vais le chercher dans la capacité de faire bouger des choses chez des gens qui souffrent d'inertie ou qui ont justement des problèmes d'intégration ou qui ont des problèmes à finir des contrats. Vous me suivez? Fait que je travaille, moi, à bâtir du monde. Je travaille pas à bâtir des autos. Mais je comprends que toi, tu aimes bien ça, puis tu fais 150 000 par année. Bien, tant mieux pour toi. Moi, je fais pas ça, mais même si j'ai pas la compensation financière que toi, t'as, ce que j'aime faire avec quelqu'un, de le construire, ça me donne un salaire en plus de mon salaire matériel. C'est-à-dire que c'est pas un salaire financier, mais c'est une satisfaction d'avoir emmené quelqu'un au bout de ses capacités, au bout de ses contrats, donc d'intégrer. Donc, il faut bien comprendre que si vous autres, vous avez un problème d'épanouissement, c'est parce que vous avez aussi un problème d'association pour vous lire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider énormément en ayant un regard sur votre personne. Tu sais, une personne qui vous dit, écoute, moi je pense que tu as de la difficulté parce que ta-ta-ta-ta-ta. C'est pas nécessairement à 100% vrai, mais c'est une piste. C'est une piste pour vous avertir qu'il y a peut-être une façon de voir votre vie qui est plafonné ou qui est limité ou qui demande ajustement pour que vous ayez une capacité de vous affranchir d'une peur de manquer ou d'une peur de ne pas être capable de. OK? Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, si vous avez quelqu'un qui est capable de lire votre contrat, qui est l'équivalent de votre fonction, bien, il va vous dire, écoute, ta fonction est peut-être finie avec telle personne ou avec tel groupe de personnes, mais pas nécessairement finie. Absolument. Tu peux peut-être faire la même chose, le même rôle. Tu peux peut-être aider des individus comme tu as aidé 40 individus dans le passé. Mettons que c'est fini avec vous autres parce que vous décidez que vous avez un ras-le-bol de la conscience. Je suis quand même capable de partir en France pour partir à zéro. C'est dur. Si je regarde le passé, c'est dur. Si je regarde l'avenir, c'est facile. Mais si je regarde le passé puis que je pense que j'ai pas fini, je suis pas capable de me tourner vers l'avenir. Hein? Là, comme je regarde pour m'enligner vers la structure boursière, hey, j'ai du monde samedi, moi, là, demain. Hein. On est pas mal à voir ça. 14, plus que dans la salle, ça. C'est un signe, ça, là. Ça veut dire qu'il y a du monde que si j'ai réussi à lui faire voir d'autres choses que juste la conscience, mais que je les emmène dans un niveau de conscience où c'est plus concret, ça risque d'être drôle, là. Tu sais? Fait que c'est une chose qui apparaît finie, parce que c'est peut-être trop abstrait dans mon cas, bien, si je le ramène à quelque chose de bien concret, ça allume. Donc, peut-être que le monde, ce qu'il veut, c'est quelque chose de concret. Si je réponds à ce qu'on me demande, puis j'arrête de regarder le passé, je peux avoir un début. Mais si je regarde juste le passé, je vais dire, hey, c'est fucky. Nous, on veut avoir du concret. Il n'y aurait plus d'en avoir avant, il y avait juste à me le demander. Tu sais, genre, là, tu chiales tout le temps. Si tu chiales, c'est parce que là, tu n'as pas intégré ton passé. Bien, c'est dur de passer au futur. Vous me suivez? N'importe quoi que vous faites dans la vie, quand c'est fini, faut pas qu'il y ait de regrets. Je pense à Gilles qu'à un moment donné, il avait lâché Pratt & Whitney, qui était un job relativement stable. Puis, pour que ça marche, sa nouvelle business, c'était pas qu'il donne un coup de collier pour faire une nouvelle business. C'était qu'il fallait pas qu'il y ait de regrets de laisser Pratt. Si tu n'avais pas de regrets, tu passais à l'autre. Là, il veut faire de la bourse, mais il peut pas donner le même coup de collier qu'il a fait dans le temps, parce que lui, il pense que c'est juste de décider de faire quelque chose. Puis ça marche pas comme ça. Ça marche sur le fait que tu n'as pas de regrets. Tu pars de quelque chose, Puis il ne faut pas que tu aies de regrets que tu mettes un terme. Puis ça, quand est-ce que tu sais que tu n'as pas de regrets? C'est quand tu es sûr que ton contrat est fini. Puis quand est-ce que tu es sûr que ton contrat est fini, tu le passes à un autre. Il est parti de sa business chez Pratt. Ça a été facile. La compagnie le remplace. Bingo, c'est fini. Mais là, il faut qu'il vende sa business. Il faut qu'il trouve le gars qui va prendre le relais. C'est plus la même ballgame, là. Vous me suivez? Fait que ça veut dire que ton contrat est fini quand quelqu'un le prend pour le continuer, puis toi, tu peux faire d'autres choses. J'ai toujours dit, c'est bien important pour un maître dans quelque chose de l'enseigner à quelqu'un, de pouvoir le montrer à d'autres pour se libérer du lien qu'il y a avec ça. J'ai pris une fille qui était mannequin, puis j'ai dit, si tu veux faire une belle fin de ta vie de mannequin, porte-toi une agence de mannequin. Fait qu'elle a parti à une agence de mannequin, puis là, elle n'a plus besoin de se pomponner comme un mannequin, puis de prendre des milliers de dollars à se liposuctionner, là, pour toujours avoir de l'aide d'un mannequin, tu sais, Chris, c'est ça, point final, tu sais. Donc là, elle peut prendre un petit peu de poids, puis s'occuper que ses mannequins soient super slim, puis fassent la job qu'elle faisait avant. Donc là, elle s'épanouit là-dedans. Elle s'épanouit parce qu'elle met un terme à un contrat, elle intègre ce qu'elle a vécu parce qu'elle le fait faire à d'autres, puis éventuellement, bien, qu'est-ce que tu veux, le début qu'elle a va la faire vivre à 200%, puis pas de problème. Elle me dit combien de temps ça prend à intégrer. C'est aussi court que vous trouvez quelqu'un pour vous le transférer, OK? Puis ça peut être très long si vous chiolez tout le temps sur quelque chose que vous avez l'impression d'avoir perdu. Parce que si vous vivez trop avec l'impression d'avoir perdu quelque chose, vous allez être pris dans une boucle qui va vous faire vivre votre passé à l'infini. C'est-à-dire que vous allez être obligé de répéter, répéter, répéter, répéter, répéter. Et ça, à ce moment-là, on va voir que la personne est trop attachée à son contrat qui n'est pas capable de se libérer de son contrat. On dit comme mon gars hier, il dit, sérieusement, là, il dit, tu vas au Québec, une place où c'est très facile de trouver de l'argent. OK. Puis, il faut un peu d'intelligence, ça, c'est pas ton problème, tu en as pas mal. Tu es encore un excellent vendeur. Pour vendre ce que tu vends, là, il dit... Ça doit être drôlement plus facile de vendre des bebelles que de vendre du psychique. Il dit, tu peux pas manquer ton coup si tu fais d'autres choses. Impossible! Fait qu'il dit, la seule affaire qui t'empêche de le faire, c'est que tu veux continuer de faire ce que tu fais. Puis il a raison. J'aime ça faire ce que je fais. Voyez-vous? Fait que si vous n'êtes pas capable de faire un changement, s'il y a quelque chose de vous autres qui ne veut pas changer, puis qu'il ne veut pas changer parce qu'il est bien dans ce qu'il fait. Donc, il est encore sous contrat. Donc, il n'est pas capable de finir. Il a encore trop de vie pour que ça meure. Ou il y a des modifications. Il y a quelque chose qui fait que vous voulez faire ça. Puis que vous n'êtes pas prête à lâcher ça pour faire d'autres choses. Il y a beaucoup de choses de vous autres qui peuvent voir un futur. Les gens vous présentent un futur. Vous présentent un enlignement qui semble être un gros avantage, mais toi, tu t'auto-suffis dans la structure dans laquelle tu es, et puis ton contrat, tu l'aimes. Tu aimes ça, ce contrat-là. Il n'y a pas de restriction. Ouais, ça finira pas. Ça peut être proche de la fin souvent, mais c'est comme un artiste qui dit, c'est mon dernier spectacle, mais c'est la quatrième année qu'il fait son dernier spectacle. Fait que tu vois bien qu'à chaque fois qu'on l'applaudit, il revient sur le stage, tu sais, parce que dans le fond, il est tanné de chanter, mais il n'est pas tanné de son public, tu sais, fait que va-t'en animateur de radio ou faire d'autres choses, tu sais, mais c'est ça. Fait que vous avez beaucoup de problèmes à finir quand, dans votre tête, c'est pas fini. Mais quand c'est fini dans votre tête, dans le sens, tu dis, il y a des gens qui vont dire, exemple, moi, tout ce que j'avais à retirer de cette expérience-là, je l'ai tout vécu, là, tu sais. Tu peux dire ça, exemple, d'un voyage ou de plusieurs voyages que tu as fait. En tout cas, crevant. Moi, je riais parce que j'étais dans l'affaire de ça, là, tu sais, la mort, comment ça se passe. Pis ça. Les fois, ils m'expliquaient ça, la patente sur la mort. Puis ils disaient tout le temps, la mort, c'est dans la forme. C'est la mort, c'est juste dans la forme. Il n'y a rien qui meurt sur la planète. Tout est vivant, tout le temps. C'est éternel, la vie. La forme, non. La forme, Elle se défait, elle se dégrade, elle est recyclée, elle se, tu sais, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. Même l'argent, là, tu ne payes pas d'argent, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. C'est pas toi, toi tu as peur, mais il y a quelqu'un qui l'a récupéré, tu sais. Fait que ça n'existe pas la mort telle que vous autres, vous voyez, là, fini. C'est juste que, je sais pas, de l'eau, quand ça s'évapore, tu n'avouais plus, mais il y a toujours de l'eau. Et tu vas dire, le lac a baissé de 6 pouces à cause d'évaporation, mais c'est toujours de l'eau dans les airs, là. Il va pleuvoir, puis tu vas avoir 6 pouces d'eau dans le lac dans une semaine ou deux, là. Fait que ça n'existe pas, la mort. La fin des choses, c'est une illusion de l'âme, de l'ego, qui essaie toujours de voir de la forme. Il dit, si tu vas lire au-delà de la forme, tu vas voir que tout ce qui est âme et esprit, c'est représenté dans d'autres formes. Ça va se coller à d'autres formes. Vous avez de la misère à vous défaire des entités. Pourquoi? Parce que le mort continue à vouloir chercher la vie. La vie, c'est du mouvement dans la forme. Fait que tu as du mouvement dans la forme, automatiquement, ce qui est mort va vouloir se coller à ça parce qu'il veut continuer à être en mouvement. Fait que fuck, c'est un changement de plan, l'âme et l'esprit. Nous autres, on lit ça juste au niveau du matériel. Alors que tout ce qui était dans la forme a changé de plan puis se recherche une autre forme pour continuer. Ça se comprend-tu, ça, là? Je sais que moi, je le comprends parce que je le vois à travers mes chats qui sont morts puis qu'ils réapparaissent dans les comportements de d'autres chats. Tu sais, un chat, tu peux dire que toutes les chats sont pareils, mais quand tu connais les chats comme moi, je les ai, ils ont tout le caractère, hein? Puis là, tu te dis, c'est vrai, il ressemble à Velcro, ce petit calice-là. Puis Velcro, il est mort l'année passée, puis lui, il est né à peu près 4, 5, 6 mois après l'autre. Ils n'ont pas besoin des mêmes temps de réincarnation, les chats, que les êtres humains, parce qu'ils n'ont pas d'esprit, ils ont juste de l'âme. Fascinant. Là, vous commencez pas à voir votre grand-père, votre grand-mère au pied de votre lit, là. OK? Pourquoi? Parce que quand c'est fini le contrat avec un élément passé, il ne vient plus vous habiter. Il ne vient plus vous habiter, ça veut dire cohabiter avec vous. J'ai dit, moi, parce que j'ai un chat qui est mort la semaine passée, j'ai dit, mon chat, il va être proche de moi combien de temps? Il dit, aussi longtemps que tu vas le demander. C'est la demande de celui qui est vivant qui fait la présence de l'élément mort proche de sa vie. Bien, de l'esprit, là. Il n'est pas mort. Il est mort dans forme, physiquement, mais son âme est aussi vivant que tu le commandes. Tu l'appelles, il va être là. Vous pouvez avoir la présence du mort aussi présent, excepté la forme physique, que vous le demandez, que vous le commandez. C'est comme si c'était un rappel de contrat. Vous avez déjà fouillé dans vos papiers, vous aviez un bail de 1977, là, OK? T'en vas chercher dans tes vieux papiers, le vieux bail de 1977. En regardant le bail, tu peux commencer à penser à qu'est-ce que tu vivais dans ce temps-là, à telle place. Hein? On est-tu d'accord à ce point-là? Tu recommandes à la mémoire de se rapprocher de toi, à se rapprocher. Le problème des gens, c'est qu'ils sont collés avec ça. Laisse-moi finir. Si tu es capable de le commander, tu es capable aussi de le couper. Si tu es capable de couper avec une mémoire, tu es capable de vivre avec une autre mémoire. Tu changes de mémoire. T'sais, moi, je suis en bac dans. J'ai vu après-midi un DeSoto 56. OK? J'embarque dans l'auto, puis je demande au phare, je dis, pouvez-vous me connecter avec ce que véhicule le char? Ils vont me passer un paquet d'images. Pareil comme si je regardais un film. C'est sûr, là, l'ayant pas vécu personnellement, ça n'a pas autant d'adhérence sur mon corps émotionnel, mais je vais voir la séquence. Mais si je décide que, bon, là, c'est correct, là, j'ai fini avec cette mémoire-là, je m'en vais ailleurs. Toutes les places que vous visitez, on dit tout le temps, il y a un éther dans la place. Tu sais, il y a une atmosphère. On va surtout dans les vieux pays comme en Europe, tu vas goûter des ambiances. C'est parce que ton âme est sensible aux égrégores qui est dans la place. Puis si tu te mets réellement en connexion, je suis sûr que dans le futur, il va y avoir une pilule ou quelque chose que tu vas pouvoir te prendre puis que tu vas te mettre en syntonie vibratoire avec ce qui s'est passé dans un temps X, puis tu vas revivre exactement ce qui s'est passé, excepté que, je ne sais pas, si c'est un combat de chevalier, bien, tu ne te feras pas couper la tête parce que ça va être virtuel. Mais ça va être en trois dimensions puis ça va être drôlement plus trilingue dans le salon. Vous me suivez? Ça va faire partie du futur. Mais comme tu n'auras pas de contrat avec ça, tu n'auras pas à être habité par ça. Parce que souvent, quand on parle d'entité, je me souviens, moi, Bernard m'avait expliqué que pour faire parler le monde sur le contact, il fallait avant tout que les gens aient un rapport avec l'invisible, puis que le premier rapport avec l'invisible, c'était l'âme. Puis il dit, tu vas tout le temps rencontrer une entité quand tu vas faire parler les gens sur le contact, puis tu n'as pas le contact direct. Le contact, c'est le contact qui décide de descendre. C'est pas toi qui demande. Mais tu peux demander à l'âme. Fait que, il dit, ce qui va se passer, c'est que tu vas être en rapport avec une entité. Puis l'entité qui est collée à une personne, elle a un contrat avec la personne. Fait qu'il dit, si tu réponds aux questions de l'entité, tu vas libérer la personne de son contrat avec l'entité. Me suivez-vous? Oui. Bon, c'est comme ça qu'il m'a montré ça en République dominicaine. Là. On était au restaurant. Puis il m'a tout expliqué le processus pour faire parler le monde sur le contact. Mais il m'a toujours dit, les gens ne parleront pas sur le contact en premier. Ça va toujours être une entité. Des fois, plusieurs, si les gens ont pris de la drogue ou beaucoup d'alcool, les affaires même, ça va être... une ou des entités qui vont apparaître. Puis il dit, la clé là-dedans, c'est de toujours répondre à une question qui est liée au contrat qu'ils ont avec la personne. Ce que les gens appellent les fameux guides. Tu sais, des guides, t'en as toutes sortes. T'as des guides déguidés, là, des guidounes, là, tu sais. Puis t'as des guides qui ont de l'allure. Mais des gens, exemple, qui ont les maîtres, hein. Je pense à Daniel Kemp ou des gars de même, là. Ça, c'était des gens qui avaient des guides spirituels très avancés dans l'astral. Puis qu'il y avait, comme Edgar Cayce, là, tu sais, qui jouait avec la santé, il y avait des guides ou des gens sur le plan astral qui étaient extrêmement avancés au niveau médical, puis qui donnaient de la bonne info. Tu sais. Mais c'est sûr que si tu es plus avec un gars qui vient de mourir, puis c'est un gars de la taverne qui était là 14 ans, là, puis qu'il ne sortait pas de la taverne avant d'être sous, ça, c'est, mettons, un guide plus vicieux. Tu vois les comportements un petit peu plus dérangeant pour ton environnement. Mais si tu as un contrat avec une entité, c'est bien important que tu connaisses la fin du contrat. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le contrat qui fait que l'entité va libérer l'âme pour que la personne ait son contact clair? Parce que ce qui brouille le contact, c'est l'astral. Puis pour être débrouillé, pour être capable de se dégager des champs astraux qui influencent le corps astral, la personne, il faut qu'il y ait une lecture qui se fasse direct avec le contact, mais après la fin de ton contrat au niveau de l'âme. Moi, je l'avais essayé, puis j'ai travaillé avec ça un an franc, puis ce que je me suis rendu compte, c'est que si moi, je fermais le contrat ou si j'étais capable de résoudre des aspects du contrat, c'est comme si l'entité, elle voulait moi, elle lâchait l'autre, mais elle était sur mon cas. Puis là, j'ai compris que c'était la personne qu'il fallait qu'il trouve ses réponses pour arriver à donner satisfaction à l'entité. Sans ça, je les avais toutes sur le dos. Tu sais, tu fais 20 personnes dans la semaine, puis là, toi, tu n'en as plus d'entité, mais là, tu en as 20 sur le corps là, parce qu'ils continuent de demander quelque chose. Là, tu sais. Ils sont à la recherche d'eux. Parce que bien souvent, les gens, quand ils parlent, ils pensent avec des pensées astrales. Puis les pensées astrales viennent de l'entité qui fait vivre la personne, qui indique à la personne de vivre certaines expériences pour qu'eux autres trouvent leur réponse dans l'expérience, parce que la personne n'est pas capable de parler à l'entité pour résoudre le contrat. Vous voyez deux façons de régler un contrat. Expliquer à l'entité quelque chose qui se questionne, puis le vivre pour que l'entité trouve sa réponse. Vous me suivez? Fait que finir un contrat, nous autres, de notre point de vue, c'est aller au bout d'une expérience. Mais le bout de l'expérience, souvent, c'est en contrat avec un plan astral, qui est souvent lié à une entité, dans lequel vous avez vécu des affaires, soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, et puis qui doit trouver un terme dans cette vie-ci. Pour qu'éventuellement, vous ayez votre contact. Votre contact vient après. Ou vient d'une façon sporadique, il vous indique des choses, mais vous ne l'écoutez pas parce que vous êtes encore avec un contrat d'âme, avec une entité dans l'astral. Des questions? Quand on n'intègre pas, exemple, on va parler de la mort, là, on va dire que sans qu'on y pense, on va dire mon père, ça fait 30 ans qu'il est décédé, 40 ans, moi je n'ai plus quoi. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas y penser, c'est pas parce que je n'ai pas intégré ça. Ou que ce soit ma soeur ou mon fils, tu sais, qui sont décédés. Moi je ne pense pas, je suis en train de coup pour faire de quoi, d'un coup, j'ai l'impression. Que mon gars, je vais dire, c'est un petit gars, tu sais, c'est tout. C'est ça. Ça retourne, ça finit là. après le coup, je pars après de passer à mon cours. Mais je l'ai senti passer. Ah oui, c'est réel. Puis tu salues, puis c'est tout. C'est réel. Ou je me sens touché dans les cheveux. Ah, ben, peut-être t'es là. Tu sais, il y a des choses. C'est ça. Mais. Ouais, ça va dans le sens que je te parle. Mais c'est pas parce que je ne les ai pas intégrés. Que ça te dit en dedans? Bon, tu sais, moi j'avais cette réponse-là, mais je ne voulais pas la dire. Fait que pas tout à fait. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Demande-leur. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? On va le faire, l'affaire du contact. Là. Ben, c'est pas du contact, là, mais. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent savoir si je suis bien. Si moi je suis bien. C'est pas leur préoccupation. Non. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? OK. Mettons qu'ils ne sauront pas de toi, ils vont savoir de moi. Là. Okay. Demande-leur, à un ou à l'autre, là, peu importe, il y a de la noix à toi. Là. Demande-leur qu'est-ce que je pourrais leur donner comme réponse qui les satisferait. Il faut vraiment que tu entendes une voix. Là. Non, faut pas tu réfléchir. Tu me dis que ça dit, là, point final. Moi, ça me dit qu'ils viennent étudier comme moi, je l'ai étudié. Tu viens étudier quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'étude? Du cheminement, de l'avancement. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'étude? Laisse-les parler. Où se diriger. OK, ça a du sens. OK, demande-leur donc si ils ont vu la lumière qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. OK. Je reviens à la question. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour aller dans la lumière? Laisse-les parler. Là. Mêle-toi pas de ça. Bien important. Là. C'est juste d'assimiler. OK. Ils n'ont pas intégré un contrat, eux autres. OK. Puis, ben, on va prendre ton père, là, OK? M'en dis quel contrat qu'il n'a pas intégré. Le détachement. OK. Par rapport à? La famille. La femme? La femme, la famille. Mais la femme? La femme aussi. C'est la femme. C'est plus la femme, OK. Parce qu'ils m'ont dit que son problème, c'est avec le couple, lui, là. OK. Qu'est-ce qu'il veut savoir du couple? La compréhension, c'est ça. OK. Moi, si j'ai dit, là, tu me diras que ça te fait physiquement, là. Si j'ai dit que lui, il a pensé que le couple, c'était fusionnel, puis qu'il faut qu'ils comprennent que le couple, c'est individuel. Qu'est-ce que ça dit? Il comprend-tu? Oui, il comprend. Il comprend. Bon, est-ce qu'il comprend qu'il n'est pas responsable de sa femme? Oui, il comprend. Mais c'est pas ça qu'il a vécu. Non, c'est ça. Bon, est-ce qu'il va être obligé de se réincarner pour le comprendre? Pas vraiment. Il dit que... S'il comprend, bon, qu'est-ce que ça veut dire individuel pour lui? Pour lui, chaque personne, c'est un. C'est ça. Bon, s'il comprend ça, il est déjà plus libre. Il se sent-tu plus libre? Oui. Il te libère-tu? En même temps, oui. Comment qu'il te libère? Que je fasse pareil. Oh, c'est bon. C'est la bonne réponse. Donc, c'est bon. Il t'a parlé avec ton père à soir. Ne pleure pas, là. C'est ça que ça fait en temps normal. Et tu vois que l'astral, c'est bien proche. Puis parce que c'est abstrait, on voit ça loin. Mais c'est très, très, très, très présent. Imagine-toi, là, le temps que le monde s'ouvrait à parler comme ça, là, une heure par année. Plutôt qu'elle est obligée de vivre pendant une année des expériences pour que l'autre en arrive à une prise de conscience, juste sur un détail comme l'aspect du couple fusionnel puis le couple individuel dans le cas de ton père. T'sais. C'est ça. D'autres questions? Ben là, je ne vous pose pas tout sur le contact un après l'autre. Ben, c'est pas le contact, là, mais en tout cas, cette affaire-là. Tu me parles de ça pourquoi? Pardon? Tu me parles pour me trouver une job, là? Non, c'est pas ça. Mais je veux savoir, quand tu es juste psychique, tu es en contact avec ces gens-là, qu'est-ce qui détermine s'ils font avancer les choses ou si ça devient un show? Ben, un show, écoute, j'en fais un, là. Si je suis devant plusieurs personnes, c'est un spectacle. C'est juste que j'ai un auditoire plus réduit que la personne qui est à la radio, c'est sûr. Mais je pense qu'une prise de conscience, c'est une prise de conscience, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse. J'écoute des fois des émissions de sa sexualité avec Julie Pelletier, là, à 98,5. Elle fait une éducation sexuelle au Québec qui est très valable, mais qui ne va pas nécessairement très occulte, mais qui est très valable si on tient compte de ce que le public est capable de prendre. Fait que, quand un psychique arrive puis il travaille avec les jeux d'astralité, les gens qui sont capables de pomper, c'est des livres, c'est les anges puis des bebelles de même. Juste de pouvoir faire voir au monde qu'il n'y a pas juste la femme sur la planète puis qu'il y a des mondes parallèles, c'est énorme. Nous autres, c'est parce qu'on a été fouillés dans d'autres aspects, mais tu sais, d'autres aspects. Qu'est-ce qu'il y a d'intégré dans tout ce qui a été dit de Bernard? Pas grand-chose. À part de l'information où les gens sont obligés de croire large de même, il n'y a pas réellement d'intégration. Il faudrait que tout le monde passe par l'affaire de savoir c'est quoi une entité, pas regarder l'astral comme toujours un élément excessivement négatif. Il y a des éléments dans l'astral que c'est très, très positif. Là. C'est pas tout du bas astral. Il y en a que c'est du très haut astral. Il y a des sciences qui se développent avec le haut astral. Puis la planète, on a beau dire qu'il faut qu'elle aille là. Oui, je comprends, mais dans 200 ans, il va y avoir bien des affaires astrales avant ce temps-là. Là. Je pense à des gens là, qui sont dans les bebelles chrétiennes là, puis qui annoncent l'apocalypse, pareil comme moi. C'est juste que ils n'ont pas la même lecture du comment ça va se résoudre, mais ils ont quand même une lecture de quelque chose qui n'est pas normal, qui va se passer, qu'il faut qu'éventuellement il y ait un éveil de conscience à la planète. Ils en sont conscients, plus que la majorité des gens qui travaillent dans ta job, là, chez Soka, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais Sekem, en tout cas la place Sima. Le gars, lui, il est ingénieur, puis il voit juste de l'engineering. Il y a un plafond, lui, là. Il y en a qui ont des lectures un petit peu plus larges de ces dimensions-là, puis je respecte ça. C'est sûr que je pourrais les emmener à un territoire large. Mais Bernard aussi a essayé de faire ça, puis ça ne passait plus à un moment donné. Là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le monde, la forme, il y a trop d'attraction de la forme. Puis ils sont obligés, avec leur esprit, pas avec leur esprit, mais ils sont obligés, avec le fait de vivre dans l'âme, de restreindre pas une croyance, mais une façon d'être ou de vivre qui n'est pas viable si tu n'es pas astral un petit peu. Là. Parce que tout est vibratoire. Il faut que tu sois un petit peu astral de travailler dans la société. Toi, tu t'isoles parce que tu es capable de t'isoler un petit peu, mais tu es déjà une programmation pour t'isoler. Mais tu ne pourrais pas avoir le caractère que tu as pour faire ma job. Là. Ce serait totalement incompatible. Question? C'est la conférence. Déjà fini? Il n'y a plus rien? Vous avez tout compris. Merveilleux. Tellement le fun de parler du monde intelligent. Oui? Sur la fin des contrats, quand tu as tout essayé avec une personne, et que, disons, tu m'as entré, ça fonctionne. Ça veut pas tout faire. Parce que mon ami, tu l'as, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est un étudiant qui est bon. Écoute, un contrat, il y a une façon formelle de faire un contrat avec des attentes. Puis il y a un contrat qui, c'est la vie qui fait le contrat. OK? Moi, il y a des gens que je ne veux pas avoir de contrat avec eux autres, mais j'ai un contrat avec eux autres parce que la vie m'impose le contrat avec eux autres. Tu t'en vas dans une ville, tu t'achètes une maison, tu as un contrat tacite avec tes voisins. C'est pas un contrat que tu veux. Tu vas avoir un contrat pour l'achat de ta maison, puis ça s'arrête là. Mais tu as un contrat avec ton environnement. Mon système d'alarme a parti. Je ne savais pas qu'il y avait un système d'alarme dans cette maison-là. J'ai accroché un piton, puis c'était marqué « Emergency » dessus. En ouvrant ma fenêtre, mon coude tape sur le piton. Hey, ça gueulait. Je dis « Christ, la ville va être au courant. » Puis finalement, c'est un piton que si tu tombes malade, il y a des voleurs qui rentrent dans la maison, tu tapes là-dessus, là, puis effectivement, le regard de Saint-Colomban se tourne vers toi. Je cherchais le tu sais, je savais plus quoi faire. Donc là, j'ai téléphoné à la propriétaire. J'ai dit au secours, j'ai dit, je suis pris avec un système d'alarme qui gueule. Là, elle, sa tension, c'était, est-ce que ça gueule chez nous? Non, Ginette, c'est chez nous à moi. Puis elle comprenait rien. Elle dit, c'est chez nous. Non, Ginette, c'est chez nous. Elle dit, 0747. Ah, j'ai dit, on fait ça où, ça, 0747? Puis elle dit, sur l'affaire à l'entrée de la porte, puis la patente. Bon, je m'en vais là, puis je fais étoile 0747, puis bang, ça arrête. Ah, j'ai dit, merci beaucoup. Elle dit, ah, en tout cas, j'ai eu peur que ça soit chez nous. Je dis, non, Ginette, c'était chez nous. Mais elle, son mari vient de mourir il y a 3 semaines. Et là, tu sais, tout est sujet à la faire sauter, tu sais. Fait que j'ai un contrat avec mes voisins, puis quand ça gueule comme ça, j'alerte le lac au complet, là. Hey, tu parles, puis tu t'entends au bout du lac, là, ça n'a pas d'allure. Imagine-toi une sirène de même, là, c'est l'enfer. On aurait pu penser que les Allemands attaquaient, là, tu sais. Fait qu'un contrat, il y a le contrat de l'âme qui se fait avec les forces de vie, puis il y a le contrat que l'ego va formuler avec une personne qui bâtit ses attentes. Mais les attentes, tu peux ne pas rencontrer tes attentes, puis quand même avoir un contrat qui excède tes attentes, puis que tu ne peux pas te libérer du contrat tant que les jeux de l'âme ne sont pas faits, parce que c'est un contrat qui est tacite. C'est comme le gars qui rentre dans une maison puis qui a des rapports avec ses voisins sans